Les chasseurs de nazis. Chapitre 8. Un ultime baroud d'honneur. Cinquième épisode. Jacob Pally vivait aux États-Unis depuis 1949, quand il est entré dans le pays en provenance de Pologne. En janvier 2016, Evan Pérez, chroniqueur judiciaire pour la chaîne CNN, s'intéresse au cas du dernier criminel nazi résidant sur le sol américain, en l'occurrence dans le quartier du Queens à New York. Son nom, Jacob Palach. Et en arrivant aux États-Unis, il a dit au service d'immigration qu'il travaillait comme menuisier en Pologne. Il n'a rien dit sur ses années de service pour les nazis, comme gardien dans les camps de concentration. Il n'en a pas parlé. Et c'est comme ça qu'il a pu obtenir la nationalité américaine en 1957. Il habite encore aujourd'hui dans le Queens. Je voulais aller voir si peut-être je pouvais lui parler, avoir sa version d'histoire. Le ministère de la Justice essaye depuis longtemps de vous expulser et je souhaitais en parler avec vous. Celui qui a monté le dossier contre Jacob Palach, celui qui a réuni les preuves contre lui, c'est l'historien Peter Black, qui a travaillé un temps pour l'Office of Special Investigation. Nous savions que Palach avait été à Travniki. On ne savait pas exactement ce qu'il y avait fait à Travniki, mais on s'en doutait un peu parce qu'on avait lu des centaines de dépositions d'hommes qui s'y trouvaient en février 1943. Je crois 219 dépositions précisément. Et à partir de ces dépositions recueillies par les services de renseignement soviétiques, on pouvait présumer que Palach, comme tous les autres gardiens du camp d'entraînement de Travniki, surveillait les Juifs dans le camp de travaux forcés adjacent à Travniki dans le cadre de sa formation. For that reason, we were able to Et c'est comme ça qu'on a pu l'inculper. Et finalement, après mon départ, le juger en référé devant un tribunal fédéral itinérant pour lui retirer sa nationalité américaine. Palach a été dénaturalisé en 2003. Suite à une décision d'une cour fédérale et un tribunal de l'immigration a ordonné son expulsion en 2004. Mais une démocratie ne peut pas simplement lâcher quelqu'un au beau milieu de l'océan. Alors ce que nous avons fait, bon je dis nous même si je n'en fais plus partie, mais je me considère encore comme un membre émérite de l'OSI, l'OSI a continué de négocier, et autant que je sache, continue de négocier avec les pays susceptibles de le récupérer. L'Ukraine, l'Allemagne, l'Autriche et possiblement la Pologne. Aucun à ce jour n'a voulu l'accueillir. Personne ne veut avoir sur les bras un criminel de guerre ou quelqu'un qui a participé aux persécutions nazies, parce que cela signifie qu'ils doivent enquêter. Sur la liste des criminels nazis encore en liberté, une liste que met à jour tous les ans Ephraim Zuroff au centre Simon Wiesenthal de Jérusalem, figure en dixième et dernière position Jacob Palach. Palach, ouais. Les gens me demandent quelle est ma profession. Je leur dis un tiers détective, un tiers historien, c'est mon véritable métier, et un tiers lobbyiste politique. Mais finalement, je ne peux traîner personne devant la justice. Aujourd'hui, c'est la phase finale. Serge Klarsfeld. Et dans la phase finale, pour pouvoir condamner des vieillards qui sont souvent incapables eux-mêmes de se défendre, dont on ne peut pas prouver la culpabilité, c'est-à-dire le fait qu'ils ont commis des mauvaises actions en tant que comptable ou en tant que cuisinier, on ne peut pas commettre de mauvaises actions. Et en tant que gardien de camp, Il y a aussi des témoignages de gardiens de camp qui n'étaient pas inhumains, qui étaient même humains. Donc comment prouver que celui-ci était humain ou inhumain, puisqu'il n'y a plus de témoins, il n'y a plus de victimes ayant traversé disons, l'univers concentrationnaire et qui puissent témoigner à leur sujet. Donc il y a leur parcours de vie pendant le nazisme et le fait d'avoir été volontaire ou pas volontaire, ce sont des considérations comme celle-là, et la peine qui est réclamée est une peine de 4 ans de prison. Tous les ans, des étudiants d'école juive du Queens se réunissent sous les fenêtres de l'ancien garde du camp polonais de Treblinka et lui demandent s'il entend les coups frappés à sa porte. Nous voulons apprendre aux jeunes générations l'importance du devoir de mémoire en ce jour du souvenir de l'Holocauste. Nous devons tous nous rappeler cette tragédie pour que l'histoire ne se répète pas. Nous sommes rassemblés à dessein devant le domicile de ce criminel nazi qui a tué 6000 personnes pendant la guerre pour lui signifier que nous n'oublions pas et pour envoyer un message au monde entier. Il n'a pas sa place aux États-Unis. Jakob Palicz est le dernier criminel nazi encore en vie aux États-Unis. C'est donc le dernier dossier encore ouvert sur le bureau d'Eli Rosenbaum à Washington. Ça fait quasiment 14 ans que nous tentons d'exécuter cette ordonnance. Mais les trois pays vers lesquels il devait être expulsé, soit l'Allemagne, soit l'Ukraine, soit la Pologne, ont tous les trois dit non. Et je crains que, comme pour d'autres personnes sur lesquelles nous avons enquêté avec succès, que nous avons présenté à la justice américaine, il mourra ici, en toute liberté. C'est probablement l'aspect le plus frustrant de ce travail. La semaine dernière, nous étions avec Jens Rommel à Lübitzburg. Vous vous connaissez, vous travaillez ensemble. Attendez-vous de lui qu'il fasse ce que n'ont pas fait les procureurs allemands avant lui ? Je pense que Ludwigsburg a fait un travail extrêmement important, comme ce que nous avons eu durant toute l'existence du prédécesseur de ce bureau, la section des droits de l'homme et des poursuites spéciales de l'OSI ou HRSP. Une extraordinaire coopération avec Ludwigsburg. Pendant probablement les 15 premières années, c'était une voie à sens unique. C'était eux qui nous aidaient principalement. Et maintenant, nous les aidons aussi parce que nous avons développé les compétences, les ressources. C'est un partenariat exceptionnel. Et j'ai la plus grande estime pour les gens dévoués qui travaillent à Ludwigsburg, y compris leur directeur, Jens Rommel. Alors j'ai une question sur quelqu'un qui est aussi sur le bureau d'Eli Rosenbaum, c'est Jakob Palicz. Oui, mais je ne peux pas parler de procédure actuelle. Mais ce personnage vous intéresse, même si vous ne pouvez rien m'en dire. Oui. Jakob Palicz. On est en discussion avec M. Rosenbaum. J'étais allé à Washington en novembre dernier. On a longuement parlé de ce monsieur. Mais est-ce que... C'est insuffisant. Est-ce que, sans rentrer dans le détail de ce que vous êtes en train de faire, cet homme, un jour, pourrait être amené devant un tribunal en Allemagne ? Si on a assez de preuves pour une responsabilité pénale, c'est-à-dire individuelle. Donc en fait, c'est un dossier ouvert ici à l'Office central. Vous réunissez des pièces pour éventuellement aider vos collègues américains à faire que cet homme déjà déchu de sa nationalité puisse être non pas renvoyé dans son pays d'origine, mais être expulsé ici manu militari pour être jugé. Ça serait parler d'un cas ouvert, si on avait un cas. Non, je ne peux pas commenter sur ça. Les chasseurs de nazis, voilà, c'est fini. Vous pouvez retrouver toutes les notices bibliographiques sur notre site internet, un site internet préparé et conçu par Christine Bernard. Un grand merci à tous les intervenants de cette série, et notamment Serge et Beate Klarsfeld, les procureurs Jens Rommel et Eli Rosenbaum, ainsi qu'Ephraim Zuroff et Yossi Ren. Témoignage traduit et dit par Eve Der et Michel Zlotowski. Texte lu par Elisabeth Mazev et Xavier Xapla. Prise de son, Olivier Dupré et Julien Douminc. Histoire mixée par Alain Joubert, réalisée par Jean-Philippe Navarre, vous a été racontée par Michel Pomarède.